Bonjour. Oh, je viens de voir quelque chose là, que quelqu'un m'a fait signe pour que je regarde ça. J'ai écouté 5 minutes. Le cirque continue. Après les clowns soucoupistes, c'est tout lié, hein, c'est tout lié. Il faut comprendre que ça fait partie de ce qui va être la nouvelle spiritualité, hein. Du monde nouveau. Faut comprendre aussi que il n'y en a pas de dissidence, il n'y en a pas de résistance, il n'y en a pas de lanceur d'alerte. Tout ce qu'il y a, c'est du monde mercantile, vénal. Donc, on a notre ami de l'ironie, un monsieur, là, un gros monsieur. J'ose plus là, nommer personne. J'ose plus nommer personne. Mettons, ça parle beaucoup de réveil, puis d'éveil, ça ratisse large. Hein? Ça ratisse large. Ça fait des cotes avec la crainte de l'incertitude alimentaire en vendant des tours à légumes, là. Bon, je viens de voir de quoi. La promotion d'une dame qui lance un magazine Nouvel Âge. Il n'y a pas d'autre mot. Puis là, je parle pas pour condamner ça, là. Si j'en parle, c'est pour que ceux qui comprennent ce que je dis, puis de quoi je parle, puissent l'observer, puis voir que oui, ça s'amplifie. Ça s'amplifie. Puis, il n'y en a pas d'opposition. Il n'y en a pas de lanceur d'alerte. Il n'y a rien que des clowns. Donc, une dame qui lance un magazine de Wiccan, d'une sorcière, des gens qui se disent sorcières, qui ont possiblement... Bon, c'était question, je ne sais pas moi, des mages, même là, c'est des pratiques que je déconseille, puis que je désapprouve. Mais c'est de voir à quel point c'est décomplexé. Après, ils sont de plus en plus décomplexés, ben c'est certain que ça inclut, elles sont de plus en plus décomplexées, parce que c'est une patente de bonne femme, parce que l'astral fonctionne de même. Les hommes, ça va très astralisés dans le Nouvel Âge, puis tous eux autres, ils vont triper sur les niaiseries d'ovnis, puis des affaires de même, ils vont être fascinés par des affaires de même. Puis les femmes, ben ça va être les petites roches, puis brûler de la sauge, puis de l'encens, puis des incantations. Hein. Quoique, on a vu ça, un chef de même là, de groupe supposément d'opposition, qui d'ailleurs viennent de passer en cours, que ça a l'air, ça faisait des incantations autour de des feux sacrés. Le retour en force de spiritualité qui date du paléolithique, dans le fond, qu'on appelle du chamanisme, c'est pas le vrai chamanisme, c'est la version, ce que j'appellerais hollywoodienne, parce que les week-ends, ça se répand au Québec à partir des États-Unis, même si ça vient de où ça vient à la base, de où ça vient à la base, le renouvellement de ces affaires-là. Et oui, ça vient d'Angleterre, ça vient tout le temps d'Angleterre. Hein? Ouais. Puis là, c'est ça, là, il apporte son magasin. Dans le fond, c'est des gens d'affaires. Hein? Donc, si jamais vous avez la jeunesse du réel, il y a un chapitre qui s'appelle Les adeptes de l'astral. Les adeptes de l'astral. Puis dedans, tout est dit. Tout est dit. Donc, le rapport par rapport à l'argent. Puis bon, hein, c'est pas mauvais d'avoir une certaine affection pour l'argent pour des raisons pratiques. Mais eux autres sont, comment je pourrais dire ça, sont prêts à aller loin. C'est là où on peut dire que ça ratisse large pas mal. Ça ratisse large pas mal. Ça revient un petit peu à vendre son cul à un moment donné, parce qu'elle dit elle-même, elle dit, elle n'est pas vraiment là-dedans, mais elle veut initier les gens. Dans le fond, c'est parce qu'il y a un marché. C'est parce qu'il y a un marché. C'est tout. Donc, notre gros bonhomme jaune, il fait la promotion de ça. Il offre une visibilité à une bonne femme qui fait la promotion de choses, de pratiques nouvel âge. Parce que c'est pas la sorcellerie comme il y a eu dans l'Antiquité, dans certains coins. Ça n'a rien à voir. C'est une version hollywoodienne. Ben oui, de notre culture, ou comment on pourrait appeler, contre-culture actuelle qui persiste depuis la fin du 19e siècle, hein, avec tout ce qu'on a vu, tout ce qu'il y a eu, les théosophes, les anthroposophes, mais même là, c'était quasiment plus respectable. Là. Je veux dire, les anthroposophes, bon, ben, c'était souvent des gens cultivés qui avaient des notions de zoroastrisme, de mazdéisme. Les théosophes avaient des notions d'hindouisme. Parfois, ils connaissaient le sens sanskrit. Les gurdjieffiens avaient des notions de soufisme. C'était des gens quand même cultivés. Mais là, c'est plus le cas, là. Hein? C'est bon signe parce que ça veut dire que ces forces-là, les adeptes de ces forces-là, c'est de plus en plus des gens incultes, ridicules, comiques. Puis bon, l'affaire, c'est pas de partir en guerre contre ça. Ils sont en guerre contre eux-mêmes, ils sont leurs propres ennemis. Donc, on peut voir ce spectacle-là, c'est des clowns. C'est des clowneries, là. Puis ils font ça pourquoi? Parce qu'ils sont dans une guerre spirituelle, puis que c'est des artisans de lumière. Non, non, ils font ça pour l'argent. Puis, ils savent qu'ils ont un bon produit parce qu'ils ont déjà une clientèle de fascinés par des niaiseries de main. Donc, ils voient, il y a un marché. Hein? Regardez l'autre, là, l'autre comique, là, qui dit, se faisait traiter de vendeur de balayeuses. Ben, il y avait des balayeuses. Oui, oui, oui. Puis là, notre ami syndicaleux, là, qui dit, ah, oh, moi, je suis pas la gauche folle, je suis la gauche, je dis, ouais, ouais, ouais. Lui, il collabore avec un puis l'autre, puis hein, on ratisse large. Ça va être beau tantôt. Ça va être beau tantôt. Hein? Ça s'améliore pas, là. C'est de plus en plus comique. Tellement que, bon, si j'avais pensé que ça irait jusque-là, mais le pire, ça va aller encore plus loin. Je suis sûr que ça va aller encore plus loin dans le ridicule. Dans le ridicule. Donc, ceux qui comprennent c'est quoi ces forces-là, ce qu'il y a en arrière, ben, ça donne rien là, d'essayer de faire quoi que ce soit. On n'a rien à faire, à part observer. Ben oui, observer, puis intégrer du réel en observant de l'irréel, puis en regardant. Parce que là, on ne pourra pas sauver personne. Là. C'est une question d'individu. Donc, c'est une question de libre-arbitre, de choix personnel. Mais c'est libre-arbitre entre guillemets, hein? Parce que s'ils se rendaient compte, ils ne feraient pas ça, là. Donc, ouais, on va se faire donner des conseils de santé par des hommes qui ont des totons, puis c'est pas parce qu'ils sont transgenres, c'est parce qu'ils sont pas en santé. Puis aussi, des conseils spirituels par des cervelés qui ont... bon, un petit peu plus haut que la moyenne, là. De QI, je dirais. Mais de toute façon, c'est pas l'intelligence réelle nécessairement, le QI, mais c'est un bon indicateur pareil. Des gens qui s'expriment... En tout cas. Donc, bon. Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? Hein? On va observer ça. On va regarder ça. Puis, prenez notre ésotérisme du Nouveau Monde. Mon petit doigt me dit que bientôt, on va voir paraître chez lui... encore des gens qui se prétendent des divinités. Ben oui, c'est sûr, parce que, comme je vous dis, elles sont de plus en plus décomplexées, elles aussi. Donc, il faudrait un retour de notre ami Diès, là. C'est sûr que, bon... Ben oui, c'est un bon show quand même. Je veux dire, il y a de quoi... C'est pas drôle, mais c'est drôle. Mais je vous le rappelle, le ridicule peut tuer à petit feu. C'est progressif. Donc, bon, ça va aller de plus en plus loin. Puis ça va être de plus en plus sur la place publique. Puis ça va être de plus en plus populaire. Parce que pire, c'est plus ça pogne. Quand on comprend, c'est comment ça fonctionne, l'astral, ça marche tout le temps avec une majorité. Puis ça commence, c'est très insidieux. Puis... c'est un peu comme de la contamination puis une maladie dégénérative. Fait que, bon, qu'est-ce que vous voulez? Donc, bon, on peut pas dire que c'est pas divertissant. Au sens de diversion, encore, comme j'avais dit hier. Mais bon, ça donne quoi de se choquer? Hein? Je peux me choquer pour moi tout seul quand je me rends compte que moi, je me fais avoir. Mais les autres, c'est sûr que c'est plate. Mais on peut rien faire. On peut rien faire. C'est leur problème. OK? Donc, on va regarder ça. Je veux dire, puis je vous le dis, des fois, j'arrête d'observer ce qui se passe dans ces milieux-là d'informations alternatives. Des fois, même, je peux être un bon bout de temps. Puis, à chaque fois que je reviens, puis là, je regarde ça, ben, je suis toujours surpris le décalage. Hein? Ça va tout le temps de plus en plus loin. Puis, ça va fonctionner, entre autres, avec un certain orgueil, des idées de grandeur, puis oui, il y en a un, là, il prétend qu'il va remplacer TVA, il va remplacer Québécois. Wow! Ben, hâte de voir ça. Le pire, c'est que c'est possible. C'est possible parce qu'il va tout le temps y avoir des instances de manipulation des masses ou qui servent à... Donc, peut-être, mais je ne suis pas sûr qu'il se rende compte de ce qu'il dit quand il dit ça. Hein? Donc, une alternative doit rester une alternative. Quand une alternative vient remplacer ce pourquoi elle était une alternative, ça veut dire qu'il y a une corruption, là. Puis que c'est plus le même mandat. Mais même là, à ce niveau-là, on ne peut pas parler de mandat, mais on pourrait parler de mission. Des gens qui sont missionnés par des fois des forces dont ils n'ont aucune idée. Dont ils n'ont aucune idée. Tout est programmation, tout est manipulation. Fait qu'on va regarder aller ça. On va regarder. Bon, on n'a pas le choix. On n'a pas le choix. De toute façon, de plus en plus, ce qui était underground, ce qui était alternatif, ce qui était à côté, va venir vers le mainstream. Ça fait partie du projet, ça fait partie de l'agenda. Puis, il y en a parmi vous que. Vous allez le voir, qu'il n'y en a jamais eu d'opposition. Vous allez le voir, qu'il n'y en a jamais eu de dissidence. Vous allez le voir, qu'il n'y en a pas de lanceur d'alerte. Hein? Dans le fond, là. Quand il y en a un qui lance une alerte, c'est parce qu'on le laisse faire ou qu'on l'a conditionné sans qu'il sache à le faire souvent. Puis il y a tout le temps récupération. Dans le fond, c'est en train de se passer exactement comme ce qui avait été dit. Puis on est averti de tout ça. Donc, bon, c'est rendu que du monde qui parle de réveil, il faut commencer par s'éveiller pour qu'il y ait un réveil, c'est-à-dire se réveiller. Okay? C'est comme on ne peut pas rentrer si on n'est pas préalablement entré. Mais bon, non, plus ça va pas, plus ça parle, c'est rendu que je suis allergique. Dès que ça parle d'éveillé, je sais que c'est des endormis, ça ne peut pas faire autrement. Puis, il n'y a pas plus endormi que quelqu'un qui se pense réveillé. Ça veut dire qu'il rêve qu'il se réveille. Donc, ayant pas la prétention d'être ni éveillé, parce que c'est intermittent, c'est pas des états constants tout le temps. Hein? Ayant pas. Puis même des fois, je me trouve plus ou moins. Plus ou moins intelligent, parce que des fois, il y a des choses, je les avais pas vues venir. Je pensais pas que ça irait jusque-là. Que à quel point mon intuition est en avant de mon intellect. Donc, que je suis plus intuitif qu'intelligent, dans le fond. Donc, que se penser intelligent, c'est perdre de l'intelligence, des fois. En même temps, qu'en douter, ben, des fois, c'est bon. C'est pas mieux. Ça prend juste un milieu, puis il faut faire attention parce que dès qu'on pense qu'on voit clair, ça veut dire qu'on est en train de s'opacifier la vue. Puis de voir les autres tomber dans leur propre piège. Mais il reste que, moi quand je regarde ça, je me dis c'était quoi l'intention de départ? Parce que là, ils sont en train carrément de nous faire la promotion de pratiques nouvelles orgeuses. Que oui, c'est de la sorcellerie, là. On ne peut pas dire que c'est hypocrite. C'est clair, clair, clair. C'est décomplexé. Donc, ils sont de plus en plus décomplexés. Elles sont aussi de. Ça inclut le elles. Hein? Moi, je ne suis pas dans la neuve langue. Donc, quand je dis ils sont de plus en plus décomplexés, ça veut dire les femmes aussi, qui sont dans ces affaires-là, qui sont instrumentalisées par ces mouvements-là, ces forces-là. Donc, c'est ça. Moi, à cette heure-là, il n'y aura plus aucune crédibilité. Je peux pas. Déjà, j'avais pas confiance. Puis là, plus je regarde ça, moi. Gang de. Bon, je vais arrêter là. Mais ceux qui savent de qui je parle, parce que moi, je vais pas. Je fais attention. Hein. Je suis pas en guerre contre ce monde-là, là. Je m'adresse à des individus. Je suis pas dans une dynamique de des groupes comme d'autres groupes, au contraire. Au contraire, ces groupes-là sont. C'est les individus qui sont dedans sont contre eux-mêmes au niveau de leur individuation, là. Hein? Dès que vous êtes dans un collectif et que vous vous laissez faire par des influences, vous perdez de l'individualité, ça vient drainer de l'individualité. C'est un petit peu comme ça que ça fonctionne, le jeu des influences. Lisez La psychologie des foules de Gustave Le Bon. Juste 3-4 personnes ensemble, avec une certaine dynamique psychologique, c'est déjà la psychologie des foules. Ça constitue déjà une foule, au sens où Gustave Le Bon l'avait théorisé. Puis même, il n'est pas juste question de théorie, dans le sens que c'est des choses qui peuvent se vérifier par l'observation dans une pratique. C'est empirique, là. Contrairement à des niaiseries de... Bon. Bonne journée.